C'est vrai, on vit dans un pays riche où 50 euros n'est pas rien, mais là-bas, ça fait 33 000 francs CFA. Le jour où je suis arrivée au Sénégal dans la famille qui m'a accueillie, j'ai vu qu'on ne parlait pas bien le français. Je voulais leur apprendre quelques mots et ils m'ont appris quelques mots de leur langue, le Wolof et le Poulard. J'ai appris aussi que Touba voulait dire blanc. Là où j'étais, les parents n'inscrivaient pas leurs enfants en maternelle, car ils n'avaient pas les moyens de payer pendant 3 années. Entre 6 et 7 ans, et souvent plus vieux, les enfants entrent directement en CP sans avoir de base pour apprendre le français. Il y a ceux aussi qui ne vont pas du tout à l'école. Chemin impraticable, aucun moyen de transport et le manque d'argent. Ils doivent faire des kilomètres à pied pour y arriver. Ici, le bus est en bas de l'allée. Un jour je rêve d'aider les pays sous-développés. En Afrique j'ai vu le manque de moyens et la pauvreté. En France on a plus de confort, c'est vrai on vit dans un pays riche où 50 euros n'est pas rien, mais là-bas. Un jour je rêve d'aider les pays sous-développés. En Afrique j'ai vu le manque de moyens et la pauvreté. En France on a plus de confort, c'est vrai on vit dans un pays riche où 50 euros n'est pas rien, mais là-bas. Ça fait 33 000 francs CFA. Ma correspondante m'emmena au centre féminin de son lycée, là où les formations sont payantes. Il y avait le CAP restauration, où l'on n'apprend pas les mêmes techniques qu'en France, et aussi le CAP couture, où l'on apprend la teinture sur des vêtements blancs pour mettre de la couleur et d'autres techniques sur 3 ans, mais ici c'est sur 2 ans. On a aidé à acheter du matériel de coiffure. On a trouvé une prof. Ils vont construire un restaurant d'application pour les stagiaires. Et le lycée est devenu mixte. Pourquoi fortune et infortune ? Le jour où nous avons organisé la journée Solidarité Internationale, la directrice du lycée Centre Féminin nous a rendu visite en novembre 2008 pour nous féliciter. Un jour je rêve d'aider les pays sous-développés. En Afrique j'ai vu le manque de moyens et la pauvreté. En France on a plus de confort, c'est vrai on vit dans un pays riche où 50 euros n'est pas rien, mais là-bas. Un jour je rêve d'aider les pays sous-développés. En Afrique j'ai vu le manque de moyens et la pauvreté. En France on a plus de confort, c'est vrai on vit dans un pays riche où 50 euros n'est pas rien, mais là-bas. Ça fait 33 000 francs CFA. 33 000 francs CFA.